Bon, t'as fini là, il vient m'aider un petit peu. Ça, c'est de la couille. Yeah. Oui, dis justement oui. Ça me gêne un peu. Je vais quand même pas déneiger pour mettre ma voiture dans un garage. Tu rigoles. Tu le trouves comment cette fois-ci? Il est beau. On va faire du bon boulot. Okay. Avec. Qu'est-ce qu'il dit? À quoi as-tu donc pensé? Moi, tout ce que j'ai vu. Il était là le jour venu, à la présentation du corps. Toi, tu l'avais reconnu. Et maintenant, il était mort. Tu te souviens avoir pleuré. Hier, il te serrait encore. Et maintenant, il était mort. Je ne suis plus là. Enfin, je ne pense pas. Je croyais que tu avais compris quand c'est ça. Non, mais j'ai compris quand c'est ça. Mais j'ai le crâne. De quoi? Ma sauce. Ma sauce à l'échelle. C'est un peu le bordel. Ça sent bien une sauce. Hein. Ça c'est une sauce donc. Hein. Mmh. Un peu liquide. C'est moi qui l'ai fait. Jamais je ne le reverrai. Mais non, on avait une coupure, non? Ouais, mais jamais je ne le reverrai. Jamais. Non, c'est moi quand je crois faire une tessine. Ouais. Jamais, c'est pas vrai, il est là, on se fait chier l'enregistrement. Tu vois? Jamais, je ne le reverrai. Jamais, je ne le reverrai. Je ne pense pas. es mort. Je vais y arriver, je te jure. Hein. Tu es mort. Je suis mort. Tu es mort. Bernard, nous pensons à toi. Tous les jours, nous te rendons hommage. J'espère que c'est avec ce beefsteak, dans ta tombe, tu souris. Voilà. Bien tendre. Comme Bernard et les aimait. Il a un petit peu de sang. Tu en veux, Olivier? Bernard, c'est pour toi. Conserve tes 3 étoiles. Même dans la mort, tu as réussi. Il fallait pas te suicider. Tu es con. C'est un poil, ça, c'est quoi? Où ça? C'est dégueulasse. Bernard est là, il est gisant. Bernard, que de beaux desserts que tu as loupé maintenant dans ta tombe. Voilà. Bernard, petit hommage pour toi. Nos papilles sont en deuil. Ils chantent la mort et nous disons encore, il ne peut s'y soustraire. Ils chantent la mise en deuil. Il chante la mort devant les neiges éternelles. Il chante ton corps, petit con mortel. Bernard, ta cuisine on la goûtera plus. Un beau matin tu t'es tu. Un coup de fusil a résonné. Point ta cervelle.